me sont gonflés. Du thé, je lui mets à ronfler. Tu disparais s'il faut souffler. Superbe jumée, elle est essoufflée. Boy, on fait des répétés sur la Game Boy. Je t'efface coup de pinel, tu des boys. Dans tous les cas, j'ai le fusil d'épaule. À 18, j'étais en taux. Je suis sorti, je l'ai frotté, j'ai eu la gaule. Jumée son pied, pas besoin d'alcool. Là, tu vas saisir tout mon pactole. Je vais serrer des petits sur la capitale. Faut que tu sais si tu parles mal. Tu peux vite finir à l'hôpital. Chiffre sur ta stoté, boy. Et je fais tomber tous tes pétales. Tes malices ne sont gonflés. Deux t'es je me mets à ronfler. Pour que tu disparaisses il faut souffler. Superbe jumée elle est soufflée. Boy, boy. Elle est soufflée boy. Elle est soufflée. Bouteille jacuzzi ma bitch is cosy. Sur le i je suis rallye. Dans l'équipe des OG. Lions on no pookie. Rien de new c'est la routine. Sors pas d'outils pour des broutilles. Je déballe le stock comme une boutique. La concu joue en tout petit. Passons c'est tous des puteux. LZ marque des buteux. Pas de charme zéro futeux. Sur le terrain fait des 1-2. Nos mélodies, nos mélodies. J'peux mourir pour mon lobby. Tout était dit, tout est écrit. La cible est prescrite. Bouteille jacuzzi, ma bitch is cosy. Sur le i, j'suis rallye. Dans l'équipe des OG. Lions on no pookie. Rien de new c'est la routine. Sors pas d'outils pour des broutilles. Rien de new c'est la routine. Sors pas d'outils pour des broutilles. On va être où ils ont capitulé. Ouais c'est Lyon, ils ont pas la capitale. Je me prends pas la tête et ça me dit capitulé. Si ça se pète ils vont pas articuler. Les balles qui brassent des milliers. Mais ils ont la loque immatriculée. Je suis dans la trappe et c'est terrible la mort. C'est que je fume le doré et le feu qui est mûr. Au fond toi tu sais que nous rattraper c'est dur. Chaque jour je suis vif comme si je tapais la pure. J'allume le pur de pur, nous rattraper c'est dur. C'est compliqué c'est sûr on est là sans cessu. Tu veux venir le coup investi la CC. C'est inutile si tu viens sans tes sous. Je suis dans la trappe et c'est terrible la mort. C'est que je fume le doré et le feu qui est mûr. Au fond toi tu sais que nous rattraper c'est dur. Chaque jour je suis vif comme si je tapais la pure. J'allume le pur de pur, nous rattraper c'est dur. C'est compliqué c'est sûr on est là sans cessu. Tu veux venir le coup investi la CC. C'est inutile si tu viens sans tes sous. C'est inutile si tu viens sans tes sous. C'est inutile si tu viens sans tes sous.